les Red Hot Chili Peppers sur RGM. Presque 8h40, on fait un point anniversaire avec ceux qui sont nés un 16 octobre 1925, naissance d'Angela Lansbury, actrice américaine vue dans les années 40 dans Les Trois Mousquetaires dans le rôle d'Anne d'Autriche, dans Monsieur Popper et ses pingouins, le retour de Mary Poppins, c'est bien évidemment la série télé Arabesque dans le rôle de Jessica Fletcher. 1940, naissance de Barry Corbin, acteur américain vu dans Dallas dans le rôle du shérif Fenton Ashburn, Les Oiseaux se cachent pour mourir, et surtout connu pour son rôle de Whitey Durham dans la série télé Les Frères Scott. 1947, naissance de David Zucker, réalisateur, producteur, scénariste américain. Producteur de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Scary Movie 5, réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Scary Movie 3 et 4, et scénariste de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? 1955, naissance d'Hélène Dolan, actrice américaine connue pour son rôle de Margot Montgomery Hughes dans la série télé As the World Turns. 1958, naissance de Tim Robbins, acteur américain vu dans Top Gun dans le rôle de Merlin, The Player, Prêt à porter, Mystic River dans le rôle de Dave Ball, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, La Guerre des Mondes dans le rôle d'Arlene Ogilvy ou encore Green Lantern. 1961, naissance de Marc Lévy, écrivain français célèbre mondialement et dès son premier roman, Et si c'était vrai, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2005. Et à chaque fois qu'il sort un livre, c'est un véritable carton. 1962, naissance de Michael Balzari, un musicien, australo-américain, bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers. 1963, naissance d'Élise Émaune, humoriste, acteur français, vu dans la série télé Caméra Café, Nos chers voisins, scène de ménage, au cinéma, vu dans Les Trois Frères, Les Dalton, Is No Good, Il était une fois dans l'Oued, Astérix aux Jeux Olympiques, dans le rôle du juge Oméga, Cyprien, dans le rôle de Cyprien, où il est également co-scénariste, Neuilly sa mère et Neuilly sa mère, dans le rôle de l'huissier de justice, L'élève du Cobu et Les vacances de Ducobu, dans le rôle de Gustave Latouche, Les Trois Frères, Le Retour, ou encore Qu'est-ce qu'on a fait fait au bon Dieu. 1968, naissance d'Elsa Zilberstein, actrice française vue dans Génial, Mes parents divorcent, Van Gogh, Tenue correcte exigée, Il y a longtemps que je t'aime dans le rôle de Léa, récompensé par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Les tribulations d'une caissière dans le rôle de Marie, Plan de table, Un sac de billes dans le rôle d'Anna Joffo ou encore Chacun sa vie. 1975, naissance de Christophe Maé, chanteur français. 1976, naissance de Marius Colucci, acteur français, fils de Colucci, vu dans De l'autre côté du lit, Joséphine Sarondi à la télévision dans Les petits meurtres d'Agatha Christie dans le rôle de l'inspecteur Émile Lampion ou encore Capitaine Marlowe. C'est également l'année de naissance de Rachid Badouri, humoriste canadien. 1977, naissance de John Mayer, chanteur américain, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Your Body is the Wonderland. Pour l'extrait de John Mayer. Allez, on continue. 1980, naissance de Jeremy Jackson, acteur américain, connu pour le rôle de Bibi Cannon dans la série télé Alerte à Malibu. 1981, naissance de Brea Grant, actrice américaine, connue pour son rôle de Daphne Millbrook dans la série télé Heroes et vue également dans Dexter. 1982, naissance de Frédéric Michalak, ancien joueur de rugby français ayant fait carrière de 2001 à 2018 en jouant au Stade Toulousain à Sharks. De nouveau au Stade Toulousain, de nouveau pour l'équipe des Sharks. Ensuite, Ensuite, il a joué à Toulon et enfin, il a terminé sa carrière en jouant à Lyon. 1983, naissance de Philippe Kochreiber, joueur de tennis allemand professionnel depuis 2001, qui était numéro 16 à l'ATP. C'était en 2012, quart de finaliste à Wimbledon, huitième de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open. Et à noter qu'il a remporté une World Team Cup en 2011. 1984, naissance de François Pervis, cycliste sur piste français, champion du monde du kilomètre en 2013, 2014, 2015 et 2017, champion du monde du Kérin en 2014 et 2015, champion du monde de vitesse individuelle en 2014. 1986, naissance d'Ina, chanteuse roumaine, connue notamment pour le titre Déjà Vu, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour la chanteuse Ina. Allez, on continue les anniversaires. 1990, naissance de Ritz, un rappeur français. 1993, naissance de Caroline Garcia, joueuse de tennis française professionnelle depuis 2011, qui en simple a été numéro 4 mondial en 2018, quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie Wimbledon et 16e de finaliste à l'US Open. En double, elle a été numéro 2 mondial en 2016. Elle a gagné avec Kristina Mladenovic le tournoi de Roland-Garros. Elle a été une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finale à Wimbledon. Et en Fed Cup, elle a été finaliste avec l'équipe de France en 2016. En 1793, décédée Marie-Antoinette d'Autriche, archiduchesse d'Autriche, princesse impériale, princesse royale de Hongrie et de Bohême. Elle est la dernière reine de France et de Navarre de 1774 à 1792. Elle fut l'épouse de Louis XVI. Allez, avant de s'écouter Christophe Maé, on va faire un point sur les sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Mathias et Maxime, un drame de Xavier Dolan avec Gabriel d'Almeida Freitas, Xavier Dolan et Anne Dorval. Autre film, autre ambiance, c'est un film d'animation cette fois. Shaun le mouton, le film La ferme contre-attaque. On continue avec un film fantastique, Maléfique, le pouvoir du mal. Et oui, le premier volet est passé à la télévision hier soir. Et bien là, c'est le retour d'Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique, réalisé par Joachim Rønning. Angelina Jolie joue aux côtés d'Elle Fanning ou encore Harris Dickinson. Autre film, La vérité si je mens, les débuts, comédie de Michel Muntz et Gérard Bitton avec Johan Manka, Michael Lumière ou encore Anton César. Et on continue avec Fame, un biopic de Pierre-François Martin Laval avec Assad Ahmad, Gérard Depardieu ou encore Isabelle Nanty. On continue avec un film d'animation Angry Birds, Copains comme cochons. Et on termine avec un biopic intitulé Queens de Lauren Scafaria avec Jennifer Lopez, Constance Wu ou encore Lily Reinhart. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Christophe Maé avec son tout dernier titre, que j'aime beaucoup d'ailleurs, intitulé Les gens. Y'a des gens du voyage, y'a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Y'a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Y'a des gens divers et y'a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Y'a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux, d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la nuit, y a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y a des gens qui saoulent et des gens sous l'agent. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y a des gens changeants et y a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux. Voilà, c'était Christophe Maé avec le titre « Les gens ». Il est pile 8h52 et il est temps pour nous, eh bien, de faire un point sur la météo. La météo. Ce matin, il y aura encore pas mal de nuages, mais les éclaircies devraient arriver. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 15 et 17 degrés prévues pour cet après-midi. Jeudi sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévues pour demain après-midi. Vendredi sera une journée mitigée, de la pluie et des éclaircies, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 14 et 16 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on va commencer avec du basket et tout d'abord la Coupe de France et la victoire hier soir à Nancy, de Nancy à Souffel-Weyersheim sur le score de 56 à 76. Autre victoire cette fois-ci pour le Jet Vosges en National 1 à Centre Fédéral, 63 à 80. Un mot de hockey sur glace avec la CHL et la défaite hier soir de Grenoble, 3 buts à 1 face au club de Berne. Fin de parcours pour Grenoble. En Ligue Magnus à Angers, c'était la première titularisation du gardien de but Isaac Charpentier, qu'on connaît bien hein, dans les Vosges, frère de notamment Martin Charpentier hein, qui évolue avec le HC. Eh bien, Isaac Charpentier a connu sa première titularisation et a fait un blanchissage avec la victoire de son équipe, 4 buts à 0, pardon, contre Briançon. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Moscou. L'élimination hier d'Herbert en 2-7 face à Kohlschreiber, 6-3, 7-6. Chardy s'est qualifié en 2-7 face à Jarry, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Manarino affrontera Kukushkin. Côté féminin, notez la qualification de Mladenovic en 3-7 face à Putintseva, 6-4, 3-6, 6-2. Un mot avec le tournoi d'Anvers et l'élimination de Richard Gasquet en 3-7 face à Kwon, 1-6, 6-3, 6-4. Élimination également de Barrère en 2-7 face à Struff, 6-2, 6-1. Gilles Simon s'est qualifié en 2-7 face à Darcy, 6-1, 6-2. Et Hugo Humbert s'est qualifié en 2-7 face à Kovalik, 6-4, 7-5. Aujourd'hui, duel franco-français entre Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Au tournoi de Luxembourg, il n'y a plus de français. française en compétition après les éliminations de Ferro, Parmentier et Paquet hier. Toutes trois éliminées en 2-7. Ferro s'était face à Puig 6-1, 6-0. Parmentier s'était face à Cirstea 6-3, 6-4. Et enfin Paquet s'est incliné face à Rybakina sur le score de 6-2, 7-6. Un mot de football maintenant avec les espoirs et le match de qualification à l'Euro 2021. Deux victoires en deux matchs pour nos Bleuets qui se sont imposés hier soir 5-3 face à la Slovaquie. Hier après-midi, le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé. Ça va grimper en 2020 puisqu'il y aura un passage notamment par les Pyrénées, par le Massif central, par les Alpes, le Jura. Il y aura notamment un contre-la-montre avec la planche des belles filles que Thibaut Pinot connaît bien. Il a d'ailleurs déclaré qu'il espérait être lors de ce contre-la-montre et il a également déclaré un tour qui me correspond vraiment. Autre réaction, celle de Christopher Froome qui, je cite, a dit « le parcours est brutal ». Et Julien Alaphilippe, qui a fait rêver bon nombre de Français cette année sur le Tour de France, a déclaré sur le papier « ce Tour de France 2020 me plaît déjà ». Eh bien, rendez-vous au mois de juillet de l'année prochaine. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va faire une petite pause musicale avec, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, Ritza, avec son titre « La Cédaille ». Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Laisse-moi là j'atterris. J'avoue là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé me dis pas que tu me kiffes. Car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange à je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une basse dose. Je suis en love et oui, je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss. Je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe. La Sedai, Ritza, sur RGR Minet, presque 9h. Et c'est donc l'heure de se dire au revoir. On fait un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, nous sommes mercredi à 10h, c'est rendez-vous avec les Gents. À 11h30, ce sera en route vers l'insertion. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 14h30, rendez-vous avec la bulle de l'IA qui reçoit Micheline Falikero. Ensuite, ce sera 20h, Nothing But The Blues, suivi juste après de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent, la rediffusion. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. J'espère que j'aurai récupéré enfin un petit peu de voix. Excellente journée à tous.